Bienvenue aux les amateurs de Mac, bonsoir. On est six en ce moment dans la chatroom. Je vous explique rapidement comment ça fonctionne. En fait, on est nous trois, les spécialistes de Mac Québec. Il n'y avait personne d'autre, hein? Fait que bon, c'est nous autres. Ils ont dit vous êtes spécialistes. Et juste dans le coin ici en bas, vous avez trois petites icônes, soit un écran, une ampoule et des petits personnages. Et pour les deux personnes qui sont dans le chat en ce moment et qui nous écoutent, vous pouvez poser des questions dans le module de questions. Pour ça, par contre, il faut être membre de Vocal. Donc, c'est une ouverture de compte toute simple comme vous les connaissez. Et qu'est-ce qu'on fait aux amateurs de Mac? Bonsoir. Eh bien, on répond à vos questions à propos des problèmes que vous pourriez avoir sur le Macintosh. Puis, on accueille même les gens, en fait, qui auraient à gueuler contre quelque chose de Apple dont ils sont pas contents. Comme, par exemple, on va prendre un exemple comme ça au hasard. GF! Oui! Ça va bien, GF? Oui, toi? Oui, merci. T'as eu des petits problèmes aujourd'hui avec Apple? Ouais, on a des problèmes avec parce qu'Apple ont sorti la nouvelle mise à jour 5.0.1 du iOS. D'accord. Et vu que j'ai un compte développeur, en l'installant, iTunes me dit que je suis pas capable de activer le téléphone vu que je n'ai pas de compte développeur. Et j'ai été voir avant Alexis, puis j'ai pas de nouvelle licence à activer. Non. Okay. Non. Je viens d'aller voir, puis là, j'ai fait des tests aussi. Ben, j'ai checké sur Twitter, puis je suis pas le seul, il y en a beaucoup que c'est comme ça. Fait que d'après moi, c'est un problème avec le Dev Center là, de Apple. Fait que pour l'instant, j'ai plus de téléphone. Ça se peut-tu qu'il y ait bien du monde qui ait des problèmes de batterie avec leur 4S, puis qu'ils veulent juste aller chercher la mise à jour pour le faire? Oui, c'est ça, il y a des problèmes de batterie. Moi, je les ai réglés. Pas mal. J'ai suivi à peu près toutes les étapes qui donnent sur Internet pour essayer d'économiser la batterie. Ce qui fait que mon téléphone, maintenant, fait absolument rien sauf téléphoner. Mais la batterie ça. Dure au moins 3-4 heures, comme il faut. Ouais, c'est ça. Fait que on est en train d'attendre pour voir qu'est-ce qu'ils vont régler. J'espère qu'ils vont le régler dans la soirée ou demain matin de bonne heure, là, parce que sinon, là, j'ai vraiment plus rien. J'ai plus de téléphone, j'ai plus rien. C'est comme un peu ton téléphone de travail, toi, hein? Ben, mon téléphone de travail et de maison. OK. J'ai pas de téléphone à la maison, fait que je me promène toujours avec ça. Fait que j'ai pas le choix. C'est le fun. Oui. Il y a une chose, tantôt j'ai parlé à GF là, hors d'onde, mais moi j'ai déjà eu des problèmes, pas de problème d'activation, mais problème d'installation de logiciels développeurs sur mon Mac. Je passais par iTunes puis j'avais des problèmes. Puis ce qu'on m'a conseillé quand j'ai appelé au soutien technique d'Apple pour les développeurs, c'est d'installer avec Xcode, que c'était préférable parce qu'il y avait déjà une vérification qui se faisait. Donc peut-être l'activation se fait via Xcode. Peut-être qu'il y a trop de personnes qui utilisent iTunes en même temps pour l'activer, la nouvelle mise à jour. Il y a plein de petits bugs. Moi, j'avais des problèmes justement avec, comme je vous dis, là, d'installer les nouvelles bêta. Puis avec Xcode, j'ai jamais eu de problème. OK. Mais là, toi, as-tu vu la nouvelle version de Xcode? Parce que moi, je ne l'ai pas vu dans le Dev Center. Je ne sais pas si elle est sortie, là. Non, il n'y a pas de nouvelle version. Parce que c'est une... En ce moment, l'iOS 5, c'est une version établie, donc c'est plus une version... dans le fond, le Xcode qui donnait en bêta, c'était parce que la version était pas encore sortie pour le grand public. C'est pour ça qu'il y avait une version Xcode pour l'iOS 5. Maintenant que l'iOS 5 est sorti, vu que c'est juste une mise à jour, il n'y a pas de Xcode pour cette version-là. Ah, je vais l'essayer. Je vais l'essayer. Ça a l'allure que l'installation se fasse par... par Xcode et non par iTunes. Là, Moi, j'ai jamais eu de problème avant. J'ai tout le temps passé par iTunes pour réinstaller mes appareils. Là. Mais bon. Il y a quelqu'un dans le chat qui nous demande, en fait, c'est Marc-André qui nous demande si on a des problèmes d'écho avec notre iPhone 4S. Moi, j'en ai un. À date, on m'a rien dit. Non, ça fonctionne bien. Donc, peut-être regarder du côté d'un Genius Bar pour ce côté-là. By the way, ceux qui sont en ligne, si ça vous tente, vous pouvez aller lancer une petite invitation sur Twitter là, aux gens pour venir nous rejoindre. On va répondre à des questions, mais on en a eu, disons, un peu moins que d'habitude cette semaine. Et on va avoir besoin de vous, en fait, pour que le show dure au moins une demi-heure. Donc, restez avec nous. Et puis, on est là pour creuser les tréfonds du Mac, puis répondre à toutes les questions possibles. On va commencer, on va en prendre une. Oh! Ouais, c'est une question piège, ça, en fait. La première question dans le document, c'est « Que pensez-vous du Razer Pill T4? » C'est une question qui a été posée sur Twitter. J'ai malheureusement pas retrouvé le nom de la personne. Question au quiz, y a-tu quelqu'un qui est capable de me dire c'est quoi un Razer Pill T4 pour iPod Touch 4? Non. Je regarde une image en ce moment sur Google, c'est, je sais pas si ça a rapport avec la carte SD ou je sais pas trop. C'est ce que je crois que c'est, il me semble que ce que j'ai lu, c'est un enclosure dans lequel tu connecterais ton iPod Touch 4, en fait, la dernière version, j'imagine, et ça te permettrait de le transformer en téléphone. Donc, avoir un microphone, avoir un écouteur, pouvoir mettre ta carte SIM dedans et de ce fait-là, utiliser, si tu veux, la batterie, toute l'interface touch de ton téléphone avec une application qu'il faut que tu télécharges. Personnellement, je ne sais pas exactement à quoi ça peut servir. C'est un produit dont le support, ici au Canada, du moins, me semble plutôt sketchy. La problématique, c'est que ton iPod Touch, tu vas le payer 200$, l'appareil, le Razer T4. J'ai aucune idée de combien ça peut valoir, mais disons une centaine. Bon, une centaine de dollars, tu viens d'atteindre le 300$, ce qui est le prix d'un iPhone 32 gigs avec contrat. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un appareil qui va transformer ton iPod Touch en téléphone va te demander d'avoir un quelconque forfait, que ce soit un forfait à contrat ou un forfait à la carte, avec un fournisseur. Et qu'à ce moment-là, pourquoi à ce moment-là tu ne vendrais pas ton iPod Touch? Tu n'utiliserais pas les sous pour te payer un iPhone. Puis à ce moment-là, tu aurais toutes les pièces intégrées. D'abord, ton iPhone va avoir une meilleure caméra, va avoir un processeur qui est plus puissant parce que ce n'est pas un A5 qu'il y a dans le iPod Touch. C'est même peut-être une génération là, beaucoup plus antérieure. Je ne sais même pas si c'est un A4 qu'il y a dedans pour vrai. Donc, dans l'iPod Touch? Oui, l'iPod Touch 4. Ouais, là, c'est... 4 non, c'est l'ancienne mouture du 3GS. Oui, bon. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, tu vas avoir un flot de rapidité qui va être pas mal moins. Donc, je ne suis pas sûr, moi, que j'irais avec quelque chose de patentage comme ça. Ça peut être un produit qui est intéressant à tester si tu as le 100$, mais moi, j'irai pas plus loin que ça personnellement. Je sais pas ce que vous en dites, les gars. Là. Moi, non. Mettre 100$ plus 200$, non, c'est sûr que je m'achèterais un téléphone, un iPhone au lieu de patenter ça. Comme tu disais, avec le support technique, on sait pas trop. Je sais même pas d'où c'est que ça vient, ça. Fait que... C'est assez chinois, merci. Oui, hein, c'est ça. Fait que d'après moi, ça doit venir de... Ça doit venir de Chine, mais bon, moi, je mettrais pas 100$ là-dessus, c'est sûr. Il y a un commentaire de Pierre Grégoire qui parle du podcast, justement, de Mac Québec. Il a mis ça dans le chatroom. C'est pas vraiment une question, c'est juste un problème qu'il y a. Mm-hmm. Il utilise, pour écouter les podcasts de Mac Québec, de Mac Bonsoir. Il utilise Instacast. Instacast, oui. Puis il n'est pas capable de télécharger les podcasts. Je sais pas si vous l'avez essayé avec ça ou j'imagine que tu utilises iTunes ou... Moi, j'utilise iTunes. Ce que j'aurais peut-être tendance à dire, je sais pas si Instacast supporte les M4A. c'est-à-dire les podcasts Enhance. Le podcast autant celui de Mac Québec que les amateurs de Mac Bonsoir est édité par pas celui à côté, l'autre. C'est Vincent qui fait la job de post-production, une job assez importante et très bien faite. On lève notre chapeau, Vincent. On te remercie. Et voilà. Et il met tous les chapitres, tout le chapitrage. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui pourrait peut-être rentrer en conflit, mais on va regarder ça cette semaine, si on n'est pas capable. Moi, j'aurais une question à vous poser en retour. Aujourd'hui, en fait, là, on est en train d'échanger avec Vincent. Et puis, je me suis dit, Vincent m'a demandé, en fait, est-ce qu'on va être sur plateforme mobile après que je lui ai parlé qu'on allait uploader le podcast et qu'on allait être diffusé sur la radio de Yann Thériault. J'ai appelé Yann Thériault pour lui demander, en fait, si on pouvait utiliser sa plateforme pour être diffusé live en ce moment pour que les gens qui sont autant sur... comment ça s'appelle, sur iOS ou plateforme mobile, puissent nous écouter. Maintenant, ma question, la voici. Est-ce que quelqu'un pourrait, télécharger l'application de Yann Thériault, pas la première qu'il a fait, mais celle qui est développée par Oups7777, et essayer d'écouter le stream live pour nous dire si c'est diffusé, parce que j'ai essayé de patenter, mais j'ai aucune idée de ce que ça donne, si ça fonctionne. Donc, si les gens qui nous écoutent pouvaient nous dire ça, nous, on essaie de le mettre là parce que c'est une plateforme supplémentaire où on peut être diffusé. Et ça permet en même temps... Les gens, quand on finit le show, nous ramassent assez solidement sur Twitter parce que le podcast est fait sur Vocal, qui est une plateforme faite en Flash. Et à juste raison, ces gens-là nous disent que, on ne peut pas t'écouter sur iPhone. Puis ils ne disent pas comme ça. Ils disent, vous êtes des morons, vous êtes une gang de tweets de diffuser sur une plateforme Flash. Fait qu'on le sait, mais... Comme je le répétais la semaine passée, ça se veut premièrement un podcast audio. Ça se veut un podcast que vous écoutez avec les écouteurs dans les oreilles sans regarder nécessairement à l'écran. Parce que, pour être franc, on n'est pas si intéressant que ça là, visuellement. Là. Disons que c'est pas pour ça que j'ai choisi les deux co-animateurs avec moi puis que moi, je me présente la face à la caméra. Donc, c'est vraiment pour nos connaissances. Donc, on essaye de diffuser ça sur le plus grand nombre de plateformes possibles. Là, aujourd'hui, on essaye Shoutcast. Donc, on est streamé. Théoriquement, on est streamé live en ce moment, si tout va bien. Tu levais ton doigt. Oui. En fait, c'est pour dire une minute, mais j'ai l'application, je l'ai essayé, puis ça marche pas. D'accord. J'ai essayé de l'envoyer, puis ça. Il n'y a pas rien, là. Ça dit off-air, puis il n'y a pas de connexion. OK. Bon, écoute, je diffuse en quelque part, mais je sais pas c'est où. On va voir quand tu vas recevoir des commentaires sur Twitter. Oui, c'est ça. Ça va me sauter d'en face. Ouais. Ah, voilà, j'ai trouvé pourquoi. Bon, écoutez, Vincent, est-ce que tu veux t'occuper de la deuxième question? En attendant, moi, je vais paramétrer le serveur pour... OK. La deuxième question de... Glee O.G. Cook. Désolé si je le prononce mal. Ton polonais en repère, je trouve. Ouais. Ou peut-être mon russe aussi, là, je sais... Ouais. À quand iBooks sur Mac? En fait, on le sait pas. Il y a pas de rumeur. Moi, j'ai pas entendu de rumeur. Je sais pas toi, JF, si t'en as entendu. Non. J'en ai pas entendu du tout. Peut-être ça va apparaître, mais je sais pas. Lire un livre à l'ordinateur, on le fait avec des logiciels. Il lit le EPUB avec les PDF, l'interface. C'est un peu comme lire un livre, là, souvent, quand on met le plein écran sur Mac OS X Lyon. Mmh. On peut lire un livre comme ça. C'est sûr que c'est pas pratique. Puis, moi, c'est ça que j'avais à dire là-dessus. Là. Je sais pas si vraiment c'est pertinent. Peut-être sur un MacBook Air 13 pouces, ou s'il y en a un 11 pouces, je sais pas trop. Il y en a un, je pense, 11 pouces. Ouais, il y en a 11 pouces. 11 pouces. ça, ce serait peut-être intéressant, mais sur un 27 pouces, là, un iMac, je pense que ça n'aura pas l'utilité qu'on fait en ce moment sur l'iPad et sur l'iPhone. Je pense que la question... En fait, de un, c'est quand même un peu pertinent qu'il y ait une application iBook parce que c'est la seule application qui serait en mesure de lire les livres de Apple, les livres que Apple vend via son magasin sur le Mac. Et la problématique qu'il y a à ce niveau-là, c'est que ben en ce moment, tu télécharges des livres, ils sont dans ta bibliothèque iTunes, ils prennent de l'espace sur ton disque dur, mais tu peux absolument pas les lire. Tout ce que tu peux faire, c'est les envoyer sur une plateforme et, par exemple, ton iPad, et de, à ce moment-là, les lire. Et là, bon, tu as iCloud qui va synchroniser les chapitres, la page exacte où est-ce que tu es rendu. Puis là, ben, il faudrait que tu ailles un iPhone plus un iPad pour que cette fonction-là soit cool. Donc, ça serait intéressant qu'elle soit sur le Mac. Puis à ce moment-là, je sais qu'il y a un paquet de livres, moi, que je lis sur l'écran de mon Macintosh, mais ce sont plus des livres techniques, pas un bon roman. C'est sûr qu'on ne lit pas, tu sais, la bio de Steve. c'est 600, c'est presque 700 pages. Tu la lis sur ton iPad ou tu la lis en papier. Mais un ouvrage technique, par exemple, je ne sais pas, moi, 10.6 Essentials de Peach Pit, qui t'apprend en fait à devenir technicien à Apple, ben ça c'est peut-être plus pertinent. Puis ben tu commences un chapitre à telle place, puis quand tu arrives sur ton iPad, t'es rendu. Ça c'est pas mal intéressant parce que souvent t'es coupé pour ce genre de lecture là. Et moi ce que j'ai lu, juste une petite affaire. Ouais. Moi je pense plus ça pourrait être introduit dans Aperçu parce que justement une application complète sur ça. À moins qu'ils rajoutent des fonctions qu'on enlève dans iTunes puis qu'on rajoute pour la gestion, là, ce serait intéressant. Ou prendre un PDF puis le créer. Tu acceptes de faire attention aux droits d'auteur. Puis là, après ça, ben, Apple se lave les mains. Là, donc, dit que c'est pas de sa faute. Puis dans ce cas-là, ça pourrait peut-être être utile. Mais à part ça, en tout cas, pour moi, là, ça se peut que justement pour toi, les manuels... d'installation, justement, technique, ces choses-là, ça peut être intéressant aussi. Mais non, c'est super pertinent, le fait de le mettre sur une autre application. Parce que moi, ce que j'ai lu cette semaine, c'est qu'il y a deux fonctionnalités qui s'en viendraient dans les prochaines versions de 10.7. J'ai lu deux choses. J'ai lu que Apple travaillait sur 10.8 et j'ai lu que dans 10.7, il devrait avoir deux fonctionnalités qui devraient être introduites, soit iMessage, qui va arriver sur la plateforme Mac et qui serait à ce moment-là, là, tu sais, ça serait vraiment intéressant parce que tu chattes à travers tous tes appareils, tu chattes à travers... Bon, tu commences à chatter sur ton iPad, tu continues sur ton Mac, tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Et si effectivement, ils refont une nouvelle application, ça va commencer à faire du distillement qui ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire que, tu sais, il y a FaceTime en ce moment... Moi, j'aimerais ça que FaceTime se soit mis dans iChat. Je trouverais ça conséquent que ce soit là, tu sais, que ton compte FaceTime soit là. Là, tu as deux applications. Effectivement, s'ils sortent une application iBook, ben là, tu vas avoir Aperçu qui sert à regarder tes PDF et ton application iBook qui sert à regarder, si je ne me trompe pas, c'est des EPUB, les livres de Apple, avec une petite couche DRM par-dessus pour les protéger, puis qu'ils en vendent 379 000 là, de leur biographie. Donc, c'est ça. Mais j'ai peut-être une solution de rechange. Il y a une application qui est payante là, pour l'instant. Ça s'appelle... Attendez un peu, je l'avais il y a deux secondes. Je vais réouvrir mon Mac App Store. C'est Book Reader. OK. Puis qu'est-ce que ça fait? Ben c'est ça. C'est comme le iBook, mais sur ton Mac. Fait que sauf que t'as les EPUB, mais tu peux pas ouvrir des EPUB DRM, là, comme ceux d'Apple. Faudrait juste que tu pognes ceux qui ont les versions pas de DRM inclus dedans. Mais c'est 10$ l'application, là. Fait que c'est comme un livre, là. Est mieux d'être bien fait à ce prix-là. Je vais mettre le lien dans le chat room pour vous montrer ça. Attendez-moi un peu. Tu le rajouteras aussi dans les notes, dans le document Google. Ouais. Histoire que les gens dans les notes de podcast puissent en profiter. By the way, je ne sais pas si c'est les mêmes gens qui, depuis le début, sont là. Je vois un nouvel auditeur. Juste en bas, ici, vous avez trois petites icônes, soit un carré, une ampoule et trois petits personnages. Dans l'ampoule, si vous êtes inscrit sur Vocal, vous êtes en mesure de venir nous poser vos questions qu'on va mettre en ligne et qu'on va pouvoir, auxquelles on va pouvoir répondre à ce moment-là. Puis vous pouvez aussi aller sur Twitter, inviter vos amis, sur Facebook pour inviter vos amis. Puis pendant que je vais inviter notre ami Alex à se joindre à la conversation, Vincent, tu peux essayer de revérifier si l'application Ustream fonctionnerait par hasard. J'ai essayé à peu près 2 minutes. Attends un petit peu. Ah. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc, ouais, en ce moment, j'ai juste comme l'espèce de thème qui dit qu'on écoute la radio de Yann Thériault, mais il n'y a pas de podcast qui est diffusé en ce moment. Mais de toute façon, en même temps, on s'est pris un peu à dernière minute pour essayer d'installer tout sur cette plateforme-là. Je sais pas si tu en avais entendu pendant cette semaine ou juste aujourd'hui. Là. J'ai essayé juste aujourd'hui. OK. On essayera cette semaine. On l'attestera avec Yann. Ah, oh, vous ouais. êtes plate. Moi, je voulais faire ça à la dernière minute. Ben, de toute façon, moi, ça me concerne pas beaucoup parce que, en fait, c'est pas moi qui reçois les tweets de haine. En fait, c'est toi. Fait que moi. T'as raison. On va faire des. On va checker ça cette semaine avec Mr. Crapule. Et voilà. Ouais. Voilà. Non, mais ça sert bien sur sa plateforme. C'est une bonne plateforme en plus. Fait que c'est super bien fait. On va pouvoir la tester. Au pire, allez, de toute façon, on va lui envoyer le fichier audio et il va pouvoir le rajouter dans ses trucs. On n'a toujours pas de questions, donc on va continuer avec notre document. Il y a quelqu'un qui nous a demandé, en fait, même si je désactive le correcteur automatique, Lyon corrige encore mes mots, parfois dans différentes apps, dans différentes applications. C'est très agaçant. Moi, ce que je voulais d'abord faire, c'est expliquer aux gens comment désactiver cette fonctionnalité-là. Donc, c'est relativement facile. On s'en va dans System Preferences, ou les préférences système. Sur la première rangée, on a le Language and Text en anglais, donc langage et texte en français, j'imagine. Et quand on rentre dans ça, on a 4 onglets, soit langage, texte, format et input source. Méthode de saisie, peut-être. Méthode de saisie, voilà. Et sous l'onglet texte, on a la possibilité de désactiver en décochant la case Correct Spelling Automatically. Donc, cette fonctionnalité-là, c'est un peu comme sur un iPhone, c'est-à-dire que tu tapes un mot et le iPhone, pour te permettre de taper de façon naturelle, pour te permettre d'être très rapide quand tu tapes, va corriger des mots que lui pense que tu as voulu dire de telle ou telle manière. Et les gens, souvent, ne vont pas faire de vérification. Il y a des sites web complets qui se sont ouverts, très, très populaires, avec les niaiseries que le monde ont pu envoyer à cause de cette fonctionnalité-là. Et pour une raison qui est assez incompréhensible, Apple a décidé d'inclure cette fonctionnalité-là dans Lion. Donc, c'est assez intéressant à pouvoir désactiver. Mais ça veut dire que tu es en train de taper et là, au bout de certains caractères, il va te proposer un mot qui pense que tu es en train de taper. Et si tu veux, si tu acceptes la proposition, ben tu fais barre d'espacement puis tu passes, si tu veux, au prochain mot. Mais souvent, en fait, il va se tromper puis il ne va pas te donner le vrai mot. C'est comme si le dictionnaire qu'Apple utilisait n'était pas le dictionnaire des mots que les gens utilisent tous les jours. Là. Il te sort des affaires plutôt bizarres. J'ai un exemple aussi. J'essayais de taper « Biographie de Steve Jobs ». Quand j'entrais Steve, c'était correct, mais quand j'écrivais « Jobs », ça m'écrivait « J'observe ». Fait que, tu sais, quand tu peux plus écrire « Steve Jobs », puis ça te modifie pour « Steve, j'observe », il doit avoir un problème avec quelque part. Là. Est-ce que tu l'as écrit avec un J majuscule ou un minuscule? Je pourrais pas te le dire. Je sais pas s'il fait la différence. OK. Mais effectivement, c'est assez fatigant. Le désactiver, ça se fait comme ça. Maintenant, est-ce que ça continue après? Je sais pas. C'est peut-être un bug qu'il y a dans 10.7, si vraiment c'est ça. Mais il faut savoir que le système depuis très longtemps, en fait, propose, dit en fait que vous avez fait une faute en mettant un petit trait rouge qui est en zigzag sous certains mots. Et si votre système, par exemple, est en anglais, bien, tous les mots que vous écrivez en français risquent de se retrouver avec un petit bariolage rouge comme ça, parce qu'il va considérer que tout ce que vous écrivez en français contient des fautes d'orthographe. Donc, de un, en fait, nous, on va essayer. Je l'ai désactivé. Je ne sais pas pour vous, qu'est-ce que... qu'il est désinstallé. Puis toi, est-ce que tu as vu qu'il continuait quand même? Est-ce que tu as eu des problèmes? Non, moi, j'ai pas vu ça. Fait que j'écris quand même assez pas mal. Fait que non, j'ai pas vu de préférence. J'ai encore mes petites barres rouges en dessous, mais il les corrige pas, tu sais. OK. Il les corrige pas partout. Fait que je sais pas le problème, là. Aucune idée pour vite de même, là. Mais les barres rouges, ça apparaît-tu dans Word ou dans Page? Ou... Ouais. Ben c'est ça. Les barres rouges, c'est normal, mais... Il reconnaît pas les mots en français ou en anglais. Oui. Ouais, c'est ça. Il fait pas la différence. On a une question, messieurs. Je la diffuse maintenant. Donc, c'est Biker Chief qui est avec nous et qui nous demande, qui nous dit qu'il a installé Printopia, qui était une suggestion de l'épisode précédent, si je ne me trompe pas, sur son MacBook Pro, et ça va très bien. Est-ce qu'il y a une app pour Windows 7? Et si je ne me trompe pas, on a regardé cette semaine pour Louis, qui était justement sur PC, et à qui on avait proposé cette application Printopia-là. On a cherché, il y avait AirPrint... AirPrint Windows Activator ou quelque chose comme ça. HACK, là, comme HACK. Là. Exactement. Et ça semble être un produit qui n'est plus tout à fait supporté. On n'a pas fouillé un peu plus, mais à ma connaissance, il n'y en a pas. Donc, c'est un produit Apple. C'est pas une fonctionnalité non plus qu'on nous demande à tout bout de champ. Il y a des gens qui veulent imprimer. Moi, mon opinion là-dessus, c'est si c'est un iPad, c'est pour éviter d'avoir du papier. Puis à ce moment-là, ben, tu te fais des documents dans ton iPad pour lire. Je te donne un exemple. Ma mère, elle utilise l'iPad quand j'utilise l'ordinateur, parce que l'ordi, c'est le mien. Fait que quand je ne l'utilise pas pour travailler ou pour les podcasts, j'y passe, mais quand justement je suis occupé puis j'ai pas mon iPad puis elle l'a, on va dire qu'elle reçoit des factures dans Yahoo, puis elle veut les imprimer, mais là, elle est obligée de m'envoyer par courriel, puis moi, pendant ce temps-là, j'imprime. Ça gagne un peu... Dans le fond, l'utilité de ça, c'est vraiment de gagner du temps. C'est pas juste de tout mettre sur papier. C'est juste, justement, tu reçois un courriel d'une facture que tu vas avoir sur papier, serre ça dans tes dossiers, puis avoir gardé... Pardon? Tu peux l'imprimer directement du iPad. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pratique. Ma mère, elle adore l'iPad. Elle s'est acheté un petit crayon là, pour l'utiliser, puis elle trouve que ça va mieux. Fait que c'est parfait. Mais il y a ce petit problème-là qu'on va essayer de régler là, dans les prochaines semaines. Exactement. En passant, ceux qu'on a parlé, je pense, la première édition du Les amateurs du Mac Bonsoir, Alexis, iOS 5.0.1 va réintégrer les... multiple gestures du iPad 1. Oui, effectivement, je suis très content. C'est une des fonctionnalités, moi, que j'aimais bien. Et je me demandais pourquoi Apple l'avait arrêté. Et ça semble être un bug. Et ils vont remettre cette fonctionnalité-là en route. Donc, c'est ça. On en avait parlé justement, comme tu as dit dans le premier podcast. J'étais sûr que ça allait revenir dans une mise à jour. Puis ça dit qu'il y avait un bug avec le gestuel de ça? Ben, c'est-à-dire que le bug, c'est que ça avait disparu. Là, donc c'est. Ouais, pour tout le monde, OK. Je sais pas de base c'est quoi la version officielle, pourquoi ils l'ont enlevé puis ils l'ont remis de base. J'imagine qu'ils ont eu beaucoup de plaintes. C'est peut-être ça. Peut-être qu'ils voulaient l'enlever. Peut-être qu'ils ne voulaient pas le supporter officiellement. Et qu'à ce moment-là, avec les gens qui ont gueulé tout ça, ils ont décidé de le rajouter tout simplement. Ouais, c'est peut-être juste ça. Il y a Louis, justement, qui pense de plus en plus à passer au Mac, vu qu'il est en PC et qu'il ne trouve pas d'application pour AirPrint, il s'est dit, tiens, pourquoi je ne dépenserais pas 1 000 $ et plus pour m'acheter un Mac puis pouvoir utiliser Printopia. Donc puis en plus, utiliser une machine qui fonctionne super bien. Oui, il y a ça aussi. Moi, c'est comme mon iPhone, tu sais, j'avais des problèmes de batterie un peu avec. Fait que je me suis acheté une Yaris. Puis là, je peux plugger mon iPhone dans ma Yaris puis le recharger. Puis ça a l'avantage de pouvoir comme me permettre de voyager en même temps, un peu. Là, mais c'est vraiment pas pour ça que je l'ai acheté en premier. Bref, Louis nous demande, en fait, qu'il aimerait s'acheter un laptop Mac et il nous demande le meilleur rapport qualité-prix versus les caractéristiques. En fait, ça, c'est une question qu'on entend souvent quand les gens vont acheter un PC. C'est un peu une façon... pour un client de nous pitcher l'odieux, si on veut, de trouver pour lui c'est quoi qu'il veut. Et l'affaire, c'est que quand on achète un ordinateur ou quand on achète n'importe quoi, il y a une analyse de besoin qui doit être faite. Moi, j'ai des oreilles de marde, puis si je veux mettre des systèmes de son un peu partout dans la maison, ben, je m'en vais pas nécessairement chez Québec Son m'acheter des enceintes acoustiques à 250 000 $. Ça me servira à rien. Donc, si je faisais ça, j'aurais pas fait mon analyse de besoin. La même chose est valide en informatique, c'est-à-dire que si Louis va s'acheter, mettons, un gros 17 pouces MacBook Pro à 4 400 $ pour faire du Word, du Excel, puis écouter de la musique sur iTunes, puis aller sur Safari, tout ça en même temps, là, mettons, à part la grandeur d'écran, il serait pas vraiment satisfait de son achat parce que ben il y aurait probablement plus de toit au-dessus de sa tête parce que ça y aurait coûté un bras. Et deuxièmement, ben il y aurait un appareil... comment je pourrais expliquer ça? Mettons, un 13 pouces, ça pèse... c'est quoi? C'est 3-4 livres maintenant? 3-4 livres environ. Non, ça, c'est pour le Air. Le 13 pouces, c'est autour de 5 livres. OK? Ben 5 livres, ça te dérange pas de le transporter, mais... Quand tu transportes le 17 pouces, qui a 2 livres de plus, tu les sens jour après jour, le 2 livres. Et le problème, c'est que tu risques de te dire « Ah, je le laisse à la maison, il est trop gros, il est trop encombrant. » Donc, si tu fais ton analyse de besoin et que tu te rends compte que d'abord, l'écran de 13 pouces a à peu près la même résolution que le 15 pouces, si je ne me trompe pas, ou pas très loin, donc que c'est un écran de très, très bonne qualité, puis que ben, tu t'économises au niveau du poids, tout ça, que c'est un clavier qui est aussi grand, aussi confortable qu'un 15 pouces, ben, souvent, c'est la machine de prédilection pour les gens qui veulent arriver dans le monde Apple. La première machine, je dirais. Parce qu'aller vers le 15 pouces, ben là, tu payes pour un écran plus grand, mais tu payes aussi pour le processeur plus rapide, tu payes pour la carte vidéo dont tu n'as pas nécessairement de besoin. Donc, ça ne serait pas l'idéal. Il faut vraiment, tu sais, quand tu vas avec un MacBook Pro 15 pouces ou encore plus gros que ça, c'est parce que tu en as vraiment le besoin. Et à ce moment-là, je te dirais, le 13 pouces serait probablement ce que tu demandes. Mais fais ton analyse de besoin, regarde ce que tu vas utiliser avec l'ordinateur. Et à ce moment-là, ça risque de répondre un peu plus. Peut-être que tu vas arriver à la conclusion que ce qu'il faut que tu achètes, c'est un iMac 21 pouces et un iPad. Puis ton iPad va faire la job quand tu vas être nomade et le iMac va faire la job au niveau productivité parce que ton iMac va être plus puissant que ton MacBook Pro quand tu vas être à la maison. En plus, aussi, il faut penser le transport. Oui, tu en as parlé, le poids, mais aussi comment le transporter. Parce que moi, j'ai un sac à dos que j'utilise pour aller à l'école, puis je mets mon MacBook Pro 13 pouces dedans. Parce qu'un 15 pouces puis un 17 pouces, ça ne rentre pas dans mon sac. Il faut se traîner une mallette. J'ai une mallette qu'on m'a achetée en voyage qui est parfaite pour traîner, pour mettre des documents quand je vais travailler, on dirait dans un café ou quelque chose, puis je ne travaille pas à la maison. Donc ça, à la limite, un 15 pouces ou un 17 pouces, ça rentre parfaitement. Mais il faut penser justement comment on le transporte puis où on va le transporter. Dans un café, de temps en temps, c'est parfait. Mais justement, le transporter, moi, je le transporte quasiment tous les jours. Je me traîne avec. Alors, à l'école, quand j'ai 2 minutes, j'y vais un peu. C'est moins pratique. Il faut penser aussi à la dimension de l'écran, pas juste la puissance. Ouais. Moi, j'ai un MacBook Pro 13 pouces puis j'en ai en masse, là. 15 pouces, si tu payes pour... OK, oui, tu payes pour le 2 pouces d'écran plus la carte vidéo que tu peux avoir en option un petit peu plus. Mais pour, pour ce que j'en fais, là, le 13 pouces, là, j'en ai amplement. C'est amplement pour moi. En ce moment, en fait, je vais mettre dans le chat. C'est notre ami Alex Dos Santos qui anime le podcast Mac Québec avec moi et JF qui nous a donné, voici, en fait, une application qui s'appelle Printfinger de la compagnie Colobos. Et cette application-là, en fait, elle coûte quelque chose. Elle est une dizaine de dollars, mais elle activerait AirPrint sur les PC pour les appareils iOS. Elle ferait un peu la même chose que Printopia. En fait. J'ai les deux versions devant moi. Mac OS X, c'est 8,62 canadiens. Puis la version Windows, c'est 10,77 canadiens. Ah, c'est deux applications différentes, c'est sûr. Donc un 20$ si vous avez les deux machines puis vous voulez faire fonctionner ça. Ça coûte plus cher une application PC que Mac. Wow! Une autre raison pour aller sur Mac. Économiser 2,63 sur un ordinateur que vous avez payé 2000$. J'espère qu'Alex Dos Santos nous entend. Il y avait des problèmes de flash. Je pense qu'il nous entend, mais il ne peut pas parler. Ah, OK. Il est en arrière, il peut pas dire grand-chose, mais il nous écoute. Puis ben. Il nous feed avec du bon stock comme ça. Ensuite de ça, donc Louis, j'espère que ça répond à ta question. Tu nous feras part de ton choix, en fait, sur Twitter. On a eu une question, puis en fait, on va pouvoir élaborer sur plusieurs choses grâce à cette question-là. C'est Amélie Cornelier, qui n'est pas du tout ma cousine. C'est ça que je m'allais te demander, ouais. Oui, c'est de ma famille. Donc, qui m'écrivait à l'aide sur Facebook aujourd'hui. Et elle a fait la mise à jour à iOS 5 et elle a une application qui s'appelle Alarm Clock Pro. Qui est une application de réveil matin là, assez complète qui permet de te faire réveiller avec une chanson et tout ça. Et c'est une application un petit peu particulière parce que si tu veux te faire réveiller par cette application-là, ça doit être la dernière application que tu as ouverte. Tu peux pas, comme si tu bascules à une autre application. J'ai pas vraiment vérifié, là. Peut-être qu'elle n'a pas mis ses logiciels à jour. Peut-être qu'Alarm Clock Pro a mis à jour son application pour fonctionner avec iOS 5. Mm-hmm. Mais ce qui se passe, c'est que le Notification Center fait débarquer son Alarm Clock Pro, ce qui fait qu'elle n'est plus capable de se réveiller. Ça fait deux semaines qu'elle dort. Non, je dis n'importe quoi, mais son application, elle ne la réveille plus. Fait que elle veut se faire réveiller avec de la musique. Pis... Fait qu'il faut que l'application soit la première, mettons, la première à gauche en bas, là, dans le. C'est ça. Faut que ce soit comme la dernière application que tu as ouverte. Ah, si tu bascules à une autre. Puis, comme je dis, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont réglé le problème. Peut-être que le seul problème de ma cousine, c'est qu'elle n'a pas mis à jour son application. Mais il me semble qu'elle l'a fait. Fait que je vais investiguer un petit peu plus là-dessus. Mais ça me permet, en fait, ça nous permet de parler un petit peu plus de ça. Le Notification Center, je ne sais pas si vous avez remarqué, les gars, mais avant, on avait la possibilité d'aller fermer complètement les notifications. C'est-à-dire qu'il y avait un bouton où est-ce que tu le mettais à off et ton téléphone ne recevait plus de notifications. Et depuis iOS 5, ça n'existe plus. T'es obligé, en fait, d'aller dans le patentage qu'ils ont fait pour Notification Center et tu peux fermer les notifications, mais une à une. Une à une, OK. Tu dois le faire manuellement. OK. Si je ne me trompe pas. Ou sinon, c'est ailleurs dans le téléphone qu'il faut aller, mais... il me semble que j'ai vérifié quand je lui ai parlé un petit peu plus tôt. Et il faut vraiment aller fermer les applications. Moi, je me demandais, j'étais là, ah, ben son problème, c'est peut-être que, tu sais, ses notifications, ils font un son. Puis là, ben si elle veut que son Alarm Clock Pro fonctionne, elle est obligée de laisser le son. Mais là, il y a comme du monde qui parle pendant la nuit sur ses notifications. Puis, ben mettons, Facebook. Puis là, ben ça fait ting, ting, ting. Quand tu essaies de dormir la nuit, c'est un sommeil léger, c'est assez fatigant. Tu peux aller désactiver le son sur les notifications. Il y a une chose, moi, j'utilise pas cette application-là comme alarme, mais j'utilise mon téléphone comme alarme, puis j'utilise l'horloge là, de base. Le son fonctionne quand j'ai désactivé le son. Donc, dans le fond, la notification rentre, mais il n'y a pas le son fatigant. Okay. Je le mets au bout, vu qu'il est dans la cuisine. Ma porte est fermée pour que je l'entende. Parce que sinon, j'ai déjà eu des problèmes. Une anecdote. Je me réveille, je le ferme, je me recouche, puis je m'en rappelle pas. Je me réveillais à genre 2 heures de l'après-midi, puis j'avais manqué mon cours. Donc, c'est peut-être une affaire à faire, c'est simple, mais de vérifier si l'application fonctionne en mettant le téléphone sur le mode vibration, si le son fonctionne quand même. Donc là, le problème de notification, il va rester là, mais le son va fonctionner, puis les notifications, non. L'autre, Jeff, je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire. Toi, tu utilises quoi pour tes notifications? Tu utilises le système standard qui vient avec? Oui. Moi, les notifications, je trouvais ça bien important. Je voulais pouvoir répondre aux gens le plus rapidement possible. Puis, il y a quelques applications de notification qui, tant bien que de mal, ont essayé d'offrir certaines options sur le App Store. La plus populaire, peut-être que vous la connaissez, c'est Boxcar, B-O-X-C-A-R. Mm-hmm. Et c'est une application très intéressante parce que vous êtes en mesure de programmer toutes les notifications, que ce soit Twitter, que ce soit vos emails, que ce soit Facebook, que ce soit les pages Facebook, vous êtes tout en mesure de programmer ça à l'intérieur de Boxcar. Et Boxcar va offrir, entre autres choses, la possibilité de lui dire de se taire entre certaines heures. Donc, tu vas pouvoir programmer toutes tes notifications à l'intérieur de Boxcar, aller fermer toutes les notifications de ces applications-là que tu as sur ton iPhone et simplement mettre les notifications pour Boxcar. Et dans Boxcar, tu lui dis, tu te tais entre telle heure où est-ce que je suis habituellement, 8 heures le soir, là, c'est fini les notifications, puis 8 heures le matin, mettons, je peux reprendre mes notifications. Donc, à ce moment-là, ça va comme pallier, ça va mettre un certain contrôle sur les notifications. Et un des trucs, moi, que j'aime bien de Boxcar, c'est que pour différentes alarmes, pour différentes notifications, tu peux lui attribuer un son différent. Ce que je crois que tu ne peux pas faire en ce moment avec le service de notification actuel, c'est-à-dire que tu as une notification, elle fait du bruit, mais c'est tout le même bruit pour toutes tes notifications. Ouais, c'est tout le même bruit, oui. C'est ça. Puis ça, c'est quelque chose qui existe là, sur des téléphones Nokia de base, de pouvoir attribuer une sonnerie différente aux différentes notifications. C'est quelque chose aussi qui existe en jailbreak depuis un bon moment. Puis, je trouve ça assez intéressant. Moi, quand je reçois un tweet, Boxcar, c'est une petite musique d'oiseau, ce que je trouve très pertinent. Fait que mon iPad fait la musique d'oiseau, mon iPhone fait la musique d'oiseau. Et puis, la journée où est-ce que, par exemple, Paul Arcan m'a tweeté et que je me suis retrouvé en 12 heures à avoir 160 followers de plus, ben il y avait comme une symphonie chez nous. Là, t'sais, le téléphone puis l'iPad, ça faisait but à tout bout de champ. C'était très drôle. Ça part. Mais t'as-tu fini pour la question? Oui, je pense bien. T'as-tu J'ai une chose à ajouter. Je sais pas si on en a déjà parlé. C'est pas une question, mais c'est juste un petit quelque chose que je veux parler rapidement. C'est de la modification de la vibration dans l'iOS 5. En avez-vous entendu parler, vous? Juste avant de te laisser aller là-dessus, on a une question rapidement. Okay. Est-ce que Boxcar va désactiver le système de base? Non, pas du tout. Il va se rajouter à l'intérieur du système de notification comme une autre application. C'est juste que c'est cette application-là qui va gérer les notifications. Fait que c'est comme si tu hijackais les notifications de tes médias sociaux pour les faire passer par cette plateforme-là plutôt que de les faire passer par Apple. Je te laisse continuer. Donc, c'est ça. En fait, tu peux modifier maintenant la fréquence des vibrations. Donc, je ne sais pas si dans l'iOS 4, il y avait des différents modes de vibrations. Il y a SOS qui existe. C'est nouveau d'iOS 5, cette fonctionnalité-là. Okay. Donc, il y a ça. Puis maintenant, il y a aussi de créer sa propre vibration. Donc, vous avez, quand vous allez dans la section de vibrations, là, dans le système de réglage, vous pouvez, il y a une espèce d'écran, comme un peu comme si c'était de l'eau, que vous pouvez toucher à l'écran. Dépendant le temps que vous laissez votre doigt dessus ou non, le nombre de tapes que vous faites, vous enregistrez ça, puis ensuite, vous l'essayez, voir si vous aimez ça. Comme ça, quand le téléphone est fermé, vous pouvez quand même savoir qui vous appelle. Moi, je trouve ça pratique. Ma sœur, des fois, j'ai une sonnerie de... Quand ma sœur m'appelle, c'est un chien qui aboie. Pour me dire de ne pas répondre. Puis, quand je suis dans ma classe, je peux pas savoir qui appelle parce que je l'ai mis sur mute. Puis je veux pas qu'il y ait un chien jappe dans ma classe. Donc, je mets la vibration SOS. Donc là, je sais que c'est ma sœur qui appelle, donc je réponds pas. Mais je trouve ça pratique des fois, justement, tu es occupé, tu veux pas que ça sonne fort, tu le mets dans tes poches, tu as quelques sonneries, quelques vibrations spécifiques pour le monde que tu connais. Donc, tu peux répondre ou si tu es occupé, puis là, vraiment, tu peux pas répondre, c'est pas une urgence, mais tu réponds pas tout de suite, puis tu rappelles. Puis si le téléphone de ta sœur a plus de batterie, puis qu'elle utilise le téléphone de quelqu'un d'autre, t'es screwed. Ouais, là je suis pris, mais là, à un moment donné, là, c'est sûr. Là, à un moment donné, je vais me faire prendre. Mais oui, c'est assez intéressant. Ce serait le fun, en fait, d'essayer de fouiller un peu puis de regarder les cas de figure auxquels ça peut être intéressant d'utiliser ce type de vibration-là. L'autre chose aussi qu'Apple a sorti, c'est un peu arnaque, je trouve. Ils vendaient, tu sais, quand tu veux une sonnerie, à partir d'une chanson, tu peux te la fabriquer assez facilement. Surtout sur Mac, tu peux le faire avec GarageBand. Si tu veux te fabriquer des sonneries, tu prends un bout de chanson, tu sacs le MP3 dans GarageBand, tu lui dis que de l'exporter en sonnerie, il te dit « prends un bout de 30 secondes », puis tu sélectionnes le bon bout, puis il te fait une sonnerie avec ça, puis tu peux le raccourcir, tout ça. Sinon, tu peux être zouave, puis aller t'en acheter quelques-unes sur le iTunes Store. Mais là, ils ont sorti quelque chose d'encore plus moron. C'est des sonneries de SMS. Fait qu'ils vendent ça à 99 cents. Mmh. Quand tu vas dans en fait, je ne sais pas c'est où sur le iTunes Store, mais sur le téléphone, tu vas dans ton... pour les sonneries, puis là, tu descends. Puis là, le premier top 10, c'est des sonneries, mais à la suite de ça, tu as les alertes SMS. Fait que là, tu peux t'acheter comme des bruits pour les SMS ou pour les notifications. Mais c'est un peu nono parce qu'on vient de dire qu'on ne peut pas mettre des bruits différents pour les notifications différentes. Si Apple avait fait ça, peut-être que le monde en aurait acheté des pelletés des bruits de notification. Mais l'affaire, c'est que pour un bruit qui fait ron ron de lightsaber, ils te vendent ça 99 cents parce que c'est fou, tu sais. Puis je pense... En tout cas, je pense qu'ils pourraient même les vendre moins cher que ça parce qu'ils vendent des chansons à 69 cents des fois par semaine. Fait qu'ils peuvent le faire en bas de 99 cents. Mais pour un fucking bruit de lightsaber, là, une pièce, là, c'est cher en tabarouette. Surtout que tu peux te le fabriquer toi-même. Là, faut vraiment que tu en aies besoin direct là, pour que ce soit intéressant là, de te dire « bon, ben je vais l'acheter, là, tu sais. » En tout cas, je trouve ça un peu bizarre. Non, c'est un peu... c'est bien beau, là, mais là, à un moment donné, tout le temps acheté, là. Moi, je me sers du site, ça s'appelle audico.net. OK. Pour faire mes... Ben, je prends aussi GarageBand, mais sur ce site-là aussi, c'est la même chose que GarageBand, là. Il y a le sélecteur de 30 secondes, puis tu choisis ta tune, tu l'uploades, là, puis après, il laisse sur le site Internet. Fait que tout le monde a accès à la toune que tu as mis, la portion du 30 secondes que tu as choisi. Mm-hmm. Fait que j'en ai fait... J'en ai fait une couple sur le Canadien, là, avec les niaiseries, ce qu'ils disent à Paul Arcand le matin. Là. Fait que... Ben en fait, il me semble que j'ai vu quelqu'un l'utiliser pour ripper des vidéos YouTube. C'est-à-dire que tu es capable de mettre l'adresse d'un vidéo YouTube, puis lui va te le transformer en fichier téléchargeable, puis tu vas pouvoir comme l'utiliser à différentes choses. J'ai vu quelqu'un utiliser ça sur YouTube. Il y a des paquets de vidéos. Puis si tu fais une recherche pour une chanson et que tu y rajoutes le mot « karaoké » à côté, tu risques de te retrouver avec la chanson, avec les paroles qui s'allument au fur et à mesure. Puis j'ai vu quelqu'un populer sa bibliothèque de karaoké. C'est un petit peu off-sujet de Mac, là, mais le gars utilisait quand même un Mac. Mais le gars utilisait ce site-là. Il donnait l'adresse de YouTube. ça y faisait une vidéo. Il prenait, il sacrait dans son une espèce de logiciel de mixing vidéo. Puis là, il appelait le monde sur scène, puis il venait chanter la toune. Fait que si t'avais une chanson qui n'était pas dans le répertoire, qui ont 45 000 chansons là, dans des karaokés, ben lui, il allait te la chercher, puis il n'y avait pas de problème. Là. Ça prenait 5 minutes même pas. Là. Ah, ben. Ah, c'est bien. Je sais pas si c'est le site dont tu parles, là, mais. Ben, là, j'ai checké, là, je suis rendu sur le site, là, avec, j'ai fait entrer un URL, puis c'est marqué juste que tu peux importer. La musique. La musique, puis ça va extraire le son du vidéo de YouTube. Là. D'accord. Ça marche juste ça. Le lien vers justement l'achat de sonnerie. C'est dans quand vous allez dans réglages, il y a l'option son, cliquez sur ça, puis là, après ça il y a l'option sonnerie, vous choisissez, puis en haut c'est écrit achat des sonneries, vous cliquez ça, vous cliquez là-dessus sur le bouton, puis ça va vous envoyer vers iTunes pour vers, ça vers la bonne section du store. Ouais, il n'y a pas d'onglet là, qui est choisi, mais ça prend une page là, dans iTunes l'application. On va y aller avec la dernière question, puis je pense après ça que ça va mettre un terme pour ce soir au podcast. On a quand même fait 52 minutes avec 5 questions. Ouais. Donc, il y a quelqu'un qui nous demandait, est-ce que c'est possible de changer son ID à Apple? Ce qu'il nous dit, c'est j'ai une adresse Hotmail et je veux la remplacer par mi.com. Donc, moi, ce que je suggérerais à cette personne-là, d'abord, il faut comprendre quelque chose, c'est que le ID Apple, vous pouvez l'utiliser pour les nouveaux services. Vous pourriez l'associer à iCloud, par exemple. Mais moi, je ne le recommande pas. J'ai eu des petits problèmes avec ça. Mais le ID Apple qui vous a permis jusqu'à maintenant d'acheter vos applications, vous pouvez le conserver comme ID d'Apple. C'est-à-dire, c'est avec ça que vous achetez encore une fois vos chansons, vos applications, vos trucs de vos émissions de télévision. Et avec iCloud, vous pouvez vous acheter, pas vous acheter, mais vous pouvez vous ouvrir, je commence à être fatigué, vous ouvrir un compte mi.com, c'est-à-dire un nouveau compte iCloud va vous fournir une adresse mi.com que vous pouvez utiliser pour les logiciels comme iMessage, comme Find My Friends, comme tous les autres services que vous avez sur le téléphone. Et le téléphone fonctionne très bien avec ça. Et ça me permet aussi d'expliquer peut-être qu'il y a des gens d'entre vous qui avaient MobileMe, qui sont encore membres de MobileMe ou qui ont payé dans les 12 derniers mois, ils se sont achetés un abonnement. Eh bien, Apple prolonge jusqu'au 30 juin 2012 votre abonnement. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, si vous allez sur le site mi.com, on va vous suggérer de mettre à jour votre compte Mi à un compte iCloud. Donc, on va le transformer. Vous allez conserver votre adresse mi.com, mais votre compte va se transformer de MobileMe à iCloud. Et à ce moment-là, va pouvoir fonctionner avec les différents services de synchronisation qu'il y a sur le iPhone. Moi, en plus, c'est que si vous êtes membre MobileMe, Apple va vous donner 25 gigs d'espace au lieu du 5 gigs qui est proposé à tout le monde. Ouais. Ben, c'est ça, l'adresse mi.com, ça fait juste un alias. C'est comme, vous pouvez vous loguer avec un ou l'autre, ça va fonctionner quand même. Là. Ça crée un alias. Fait que moi, je peux me loguer sur, mettons, sur mon iTunes, c'est mon vrai ID Apple. Mm-hmm. Sur un autre site d'Apple, c'est mon mi.com de mon Balmy que j'avais. Fait que c'est ça, c'est vous pouvez jouer entre les deux, mais vous ne pouvez pas changer, mettons, c'est pas unifié encore le système de Apple. Je pense qu'ils ne le feront pas parce qu'il existe une adresse qui s'appelle c'est appleid.apple.com. Okay. Et si vous allez là-dessus et que vous rentrez votre Apple ID, vous allez avoir toutes les informations par rapport à votre compte. Et vous pouvez rajouter des adresses e-mail dans votre compte qui vont être, comme tu dis, là, utilisées un peu comme des alias. Mais si dans ton Apple ID, qui par exemple est une adresse Gmail, là, ton adresse Gmail à toi, tu rajoutes ton compte, ton ton adresse mi.com, il te laissera pas faire parce qu'il considère que ça aussi, c'est un Apple ID. Fait que c'est un petit peu le bordel de ce côté-là. Puis ça fait que les gens sont un petit peu mêlés. Moi, depuis quelques semaines, j'ai à aider du monde qui sont un peu perdus à travers tout ça, ne savent pas trop. J'ai des gens qui se sont ouverts un compte iCloud gratuit, même s'ils étaient membres de MobileMe avant, plutôt que de le modifier. Puis là, tu sais, bon. Ils ne peuvent plus le merger. C'est ça. Puis en plus, c'est que, mettons, iMessage ou Find My Friends, tu veux te faire retrouver ou utiliser iMessage, il faut que les gens est ton adresse avec laquelle que tu utilises. C'est encore un petit peu nébuleux. Là. J'ai fait des tests cette semaine avec un ami, puis on comprend pas tout à fait parce que ton téléphone, quand tu envoies un message à travers iMessage, ben il va utiliser iMessage, mais si tu l'envoies à un autre téléphone, il va passer par le numéro de téléphone. Sur un iPad, tu n'en as pas de numéro de téléphone d'inscrit à l'intérieur. Fait qu'il utilise ton adresse email pour transférer. Fait que si toi, tu n'as pas l'adresse email de la personne dans ton carnet d'adresse, je pense qu'il va avoir de la difficulté à embarquer sur iMessage. En tout cas, c'est assez nébuleux. Là. Puis des fois, puis l'autre chose aussi, c'est si, mettons, je t'envoie un iMessage sur ton numéro de téléphone, et qu'après ça, je t'en envoie un sur ton adresse email, ça va créer deux threads de messages. Il les mettra pas ensemble. Il va les voir comme dissociés, même si dans ton compte iTunes, dans ton Apple ID que tu utilises, ton numéro de téléphone est associé. Là, il ne le verra pas comme ça. C'est encore un petit peu nébuleux. Je pense qu'Apple a sorti des produits qui étaient fonctionnels, qui faisaient ce que ça promettait, mais il y a des user cases qu'ils ont pas qu'ils avaient pas vu ou qui se sont fait poser par après, et là il faut qu'ils répondent à ça, puis d'après moi ils sont en train de travailler là-dessus et faire les mises à jour qui sont nécessaires. Ils ont pas approfondi la chose là. Voilà. Ouais. Donc écoutez, ça met un terme au show d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là. Et ça fait plaisir, Biker Chief. On fait ça pour vous. Donc, les amateurs de Mac Bonsoir, c'est à chaque semaine, à chaque mercredi soir à 22h. Et là, cette semaine, c'était une semaine sans Podcast Mac Québec. La semaine prochaine sera une semaine avec Podcast Mac Québec. Donc, le Podcast Mac Québec, lui, est à 21h. Et c'est notre show de nouvelles. Et on approfondit un petit peu plus un sujet en particulier. Là. Donc, les deux épisodes précédents, on a parlé de Siri, on a parlé de iOS 5, iCloud, tout ça. Et dans les prochains épisodes, là, on va parler peut-être de Apple TV ou des sujets que vous pourriez nous suggérer. Oui, puis ceux qui écoutent le show, là, justement, je te remercie Pierre Grégoire qui nous dit qu'il faut faire un peu de publicité. Parlez-en, ceux qui ont des questions, qui ont un Mac ou qui ont iPad, iPhone, parlez-en. Nous, on répond aux questions, donc ils se connectent, ils posent une question, ils peuvent quitter s'ils veulent, mais on répond aux questions. C'est sûr qu'on aime ça parler avec le monde dans le chatroom après, mais venez pour vous dire vos questions, puis sur Twitter aussi. Là, oui, on attend vos questions. On est des pushers parce qu'en fait, ce qu'on fait, moi personnellement dans la vie, ce que je fais, c'est que je vais chez les gens pour régler leurs problèmes de Apple. JF, lui, toi, tu fais un peu la même chose, hein, ouais. C'est ça? Et ouais. Vincent, lui, est développeur d'applications sur iOS. Donc, voilà. Donc, c'est un podcast qu'on fait pour vous, mais aussi un peu pour nous, pour que vous sachiez on est qui. Ouais. Vous pouvez nous rejoindre avec nos adresses respectives en dessous de nos caméras. Là. C'est nos adresses Twitter. Fait que gênez-vous pas pour venir nous poser des questions, des commentaires. On lit tout, puis on retransmet tous les messages. Fait que on a une question de Pierre Grégoire. Allez-vous parler de jailbreak à un moment donné? Oui, on ne se gênera pas. On ne se gênera pas. On va attendre que la version iOS 5 soit jailbreakable présentement, mais il faut la connecter avec un ordinateur pour redémarrer le téléphone, un iPad. Mais que ça sorte, ça s'appelle Untethered. Ça veut dire plus besoin de, d'ordinateur pour le redémarrer. Fait que inquiétez-vous pas, on va vous en reparler parce qu'il y a vraiment des bonnes petites applications là-dessus. Je m'en sers beaucoup. Là, le mien ne fonctionne plus pour l'instant, là, où j'allais régler ça, là, sinon je vais broyer ma mère demain. Fait que non, inquiétez-vous pas, on va parler du jailbreak. Ouais. On vous laisse là-dessus. À la semaine prochaine. Merci. Bye bye. Au revoir. Bye.